Dans ce 11e épisode, je vous parle de podcasts qui vous permettront de découvrir de nouveaux podcasts. Tout ça dans le podcast M'Optimise. Bonne écoute! Bienvenue dans le podcast du blog m'optimise.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast M'Optimise. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet, les vacances approchent, le beau temps, et peut-être que vous allez avoir un petit peu plus de temps que le reste de l'année pour écouter des podcasts. Malheureusement, découvrir de nouveaux podcasts, c'est parfois un petit peu compliqué. Et ce que je vous ai trouvé aujourd'hui, je vais vous recommander des podcasts qui parlent eux-mêmes d'autres podcasts. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais ça va être un peu plus simple tout de suite. Le premier podcast dont je voudrais parler, ça s'appelle Podcastore, P-O-D-C-A-S-T-O-R-E. C'est un podcast qui a un petit peu moins de 6 mois maintenant. C'est un podcast qui est fait par des personnes qui visiblement ont l'air de travailler déjà à peu près tous dans la même entreprise, qui ont l'air d'avoir des studios, donc qui travaillent probablement dans de la radio, je pense. Et c'est une bande de 4-5 collègues qui se retrouvent et chacun va présenter un podcast. Donc ils présentent le podcast, souvent il y a un habillage sonore avec des extraits du podcast, et comme ça ils en discutent un petit peu, et à la fin ils élisent le meilleur podcast du jour, des trois qui ont été présentés, et ça permet à l'animateur qui l'a présenté d'avoir une sorte de collier d'immunité, un peu comme à Koh-Lanta, et donc il pourra revenir à l'émission suivante. Donc on est sur une douzaine d'émissions, vous allez pouvoir y retrouver des podcasts exclusivement francophones et en français. Vous allez retrouver des grands noms du podcast, ils ont déjà présenté l'apéro du capitaine, ils ont déjà présenté le rendez-vous tech. Après vous pouvez découvrir d'autres petites pépites. Ils parlent de beaucoup de sujets différents, donc vous pouvez avoir des podcasts plutôt sur le jeu, des podcasts un peu plus éducatifs, des podcasts sur de l'apprentissage, sur beaucoup de choses, sur du foot, parce que c'était la période du foot. Donc vous allez pouvoir découvrir beaucoup de podcasts avec ça. Et après, bah, à vous de faire votre choix, de vous abonner, d'écouter quelques épisodes des podcasts, décider si vous voulez en écouter plus. Donc ça, c'est le premier podcast que je vous recommande. Ça s'appelle Podcastore. Et Podcastore, donc comme je l'ai dit, c'est un podcast qui est relativement récent, mais qui s'inspire quand même un petit peu d'un autre podcast qui, lui, est un podcast québécois qui s'appelle Parlons Balado. Donc vous aurez bien évidemment les liens vers les deux podcasts dans les notes de l'émission. Parlons Balado, c'est donc un podcast québécois, vous allez pouvoir retrouver le joli accent québécois, qui existe depuis assez longtemps. Ils en sont quand même à 50 épisodes, et donc ils parlent de podcasts en général, ils reçoivent des podcasteurs pour discuter avec eux, donc c'est aussi une bonne façon de découvrir. Dans les épisodes relativement récents, moi, je vous recommande celui avec mon ami québécois, prof du web de l'Eclectic Show, que vous avez pu entendre il n'y a pas très longtemps dans l'épisode sur le changement. Donc, il y a un épisode complet de Parlons Balado avec Mathieu, avec prof du web, sur lequel il discute de qu'est-ce que c'est son nouveau podcast, comment il en est arrivé là. Comment il développe son podcast. Donc vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et un des autres podcasts qui peut être assez intéressant, ils en avaient fait un où ils avaient fait un sondage sur la façon dont les gens consomment les podcasts, sur les habitudes d'écoute. Et donc ils discutent longuement des résultats de ce sondage où il y avait plus de, je sais plus, 2000, 1500 ou 2000 personnes qui avaient répondu. Je l'avais vu passer, donc j'avais moi-même répondu au sondage. Et donc vous apprendrez énormément de choses sur les habitudes de consommation des podcasts. Voilà, c'était donc mes suggestions de podcasts pour découvrir de nouveaux podcasts. Donc, Podcastor et Parlons Balado. Et ça va être tout pour le petit épisode d'aujourd'hui. Je vais continuer à faire des épisodes pendant l'été, donc continuez à suivre. Je garde le rythme des 15 jours pour pouvoir diffuser des nouveaux épisodes. Et en plus de ça, justement dans l'épisode sur le changement, on avait lancé un jeu concours pour gagner le livre Qui a piqué mon fromage sur Audacity. Donc un grand merci à Zamster69 qui a laissé 5 étoiles sur iTunes avec ce commentaire. J'adore ce podcast, le format court permet de l'écouter lors de petits trajets. Toujours de bonnes astuces de life hacking, merci Mickaël. Donc merci à toi, Zamster69. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours comme ça, d'avoir des notes sur iTunes. J'en ai pas beaucoup, donc n'hésitez pas à aller mettre des avis sur iTunes si vous avez iTunes. Allez partager le podcast sur Facebook, sur Twitter, n'hésitez pas. Sur Twitter, m'optimise podcast. Sur Facebook, m'optimise podcast. Sur Twitter, arrobas m'optimise. Et quant à toi, Zamster69, contacte-moi, j'ai besoin de ton email pour pouvoir t'envoyer le cadeau. Donc une bonne journée à vous ou une bonne soirée selon quand vous écoutez, si vous êtes dans la voiture le matin, la journée ou le soir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.